Donc, on est présentement avec Rose Crevier, paramédic, citoyenne impliquée et ancienne de CISM avec l'émission « Ça plane pour moi » aux alentours de 2018, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, avec Kim Jandeau qui est retournée en Nouvelle-Calédonie. Je salue tout le monde de CISM. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Ben salut, j'espère que ça va bien. Oui, ça va super bien. Pour nous, il est le matin, hein, je pense. Fait que pour des travailleurs un peu plus de soir, des animaux nocturnes, mais ça commence bien ma journée. Ah ben écoute, je suis content d'être comme un bon café le matin. Exact. Ça réveille. Aujourd'hui, t'as répondu à l'appel pour j'avais besoin d'une personne pour interviewer, pour des sujets intéressants. T'as répondu à l'appel pour m'expliquer un peu c'est quoi être paramédic. Oui, parce que ben, c'est un métier un peu méconnu. Hein. Les gens voient les boîtes jaunes là, qui se promènent dans la rue avec des lumières et des sirènes. Mais c'est ça fait que je suis venue un peu démystifier qu'est-ce que c'était le métier de paramédic. Puis, parce que c'est un super beau métier. Fait que j'étais contente que tu lances l'appel. J'ai hâte d'en parler. Ben c'est ça. Moi, j'ai vu paramédic, j'ai fait que « Oh, wow! Moi, je veux parler de ça! » Je sais pas exactement comment en parler, puis c'est exactement c'est quoi. Fait que déjà là, moi, t'as eu un intérêt pour comme la curiosité. Parce que paramédic, dans ma tête, moi, je regarde l'émission ER, t'es à la télé américaine, puis je vois ça, t'es des gens qui se promènent, puis des coups de feu, puis des affaires de même. Ou tu dis paramédic, puis quelqu'un va dire comme « Ah, t'es ambulancier, ambulancière, t'sais. » Fait qu'il y a sûrement des mythes là-dedans là, que t'es prête à nous déboulonner, là. Ouais, ben en fait c'est ça, c'est que la profession au Québec elle est très jeune. On peut penser, si on fait un parallèle avec le système de la santé, avant il y avait le garde-malade, maintenant une infirmière si tu l'appelles garde-malade, elle va comme te regarder un peu croche. À moins que t'aies 90 ans puis que t'aies cette excuse-là. Mais nous au départ ça allait être un petit peu ça. Fait que tu sais dans les années 70-80, on était appelés des brancardiers. Tout ce qu'on faisait, ben en fait c'était même pas nous, c'était beaucoup les policiers à la base qui avaient le service d'urgence. Puis il y avait pas beaucoup, il y avait des soins de base à peine qu'ils connaissaient, fait qu'ils embarquaient les gens dans les véhicules. Puis d'ailleurs, en fait, les premières ambulances, c'était les véhicules de la morgue, les corbillards, parce que c'était assez long pour rentrer quelqu'un dedans, puis après ça, c'était plus facile quand la personne décédait, mais on l'amenait directement à la morgue. Mais bon, on n'est plus rendu là. Puis tranquillement, pas vite, en fait, on est devenu des ambulanciers. Mais dans le terme ambulancier, on parle beaucoup, encore une fois, de transporteurs. Puis ben maintenant, en 2022, ben, on fait beaucoup plus que transporter les gens, même ce qu'on souhaite le plus possible. Maintenant, c'est presque les laisser à la maison, leur prodiguer des soins, leur donner, en fait, des ressources pour éviter d'aller achalander, justement, le système de santé qui est déjà à rabord. Fait que maintenant, on appelle ça paramédic, le bon terme. Puis, c'est calqué, en fait, sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ici, on a un système un peu particulier où est-ce qu'on a deux soins, des soins de base, en fait, des soins primaires et des soins avancés. Puis, en Amérique du Nord, on a le niveau de soins primaires le plus avancé. Fait que, par exemple, moi, je suis une paramédic qui a fait une technique, fait qu'un 3 ans, un DEC. Fait que après, puis c'est un peu l'équivalent infirmière, ou est-ce qu'après ça tu pourrais aller faire un diplôme universitaire puis être une infirmière soit bachelière ou une super infirmière, ben là maintenant il y a aussi un programme de soins avancés où est-ce que tu pourrais devenir un super paramédic. Mais ça, il y en a beaucoup moins au Québec, il y en a à peu près 60, alors que des paramédics de soins primaires, il y en a beaucoup plus là au Québec. Fait qu'être paramédic, c'est plus que aller ressusciter quelqu'un puis l'emporter à l'hôpital après ça. Ouais, ben c'est ça. C'est, tu sais, puis on a beaucoup de sortes d'appels. Mais par exemple, moi dans ma technique, on a appris oui à gérer des cas non urgents, mais aussi urgents. Fait que c'est par exemple quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Moi, je suis habilitée bon à l'intuber, à lui procurer des soins, tu sais, ce genre de choses-là. Mais les soins avancés, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir nous aider sur des appels critiques où il y a un danger plus important pour la personne. Puis ils vont faire tous les mêmes soins, en fait, qu'ils faisaient dans une salle de choc en arrivant à l'urgence. Fait qu'ils vont faire, dans le fond, des actes dédiés habituellement aux médecins. Puis ils vont pouvoir, justement, essayer d'augmenter les chances de la personne de survivre. Parce que c'est sûr que, tu sais, si quelqu'un, même toi, là, qui est en super santé, on ne sait pas, ben, je sais pas, t'es-tu en super santé? Non, je suis en santé. Mais par exemple, que tu fais un arrêt cardiaque, peu importe pour la raison, puis qu'on ne savait pas, mais tu avais une pathologie cardiaque, on s'entend qu'on veut que tu survives. Tu es super jeune, tu n'as pas 90 ans, puis tu habites pas en CHSLD. Mais le temps qu'on essaie de faire de la réanimation sur toi, puis qu'on t'amène à l'hôpital, ben, tes chances étaient trop diminuées. Alors que là, avec l'équipe de soins avancés, ben, ça augmente vraiment plus tes chances de survie directement à la maison. Fait que tu vas avoir un retour de pouls, puis après ça, nous, on va pouvoir faire le transport vers l'hôpital. Mais juste pour être sûr, quand on parle de comme soins avancés, on parle de personnes qui ont plus d'habiletés, de connaissances, plus d'équipements aussi, j'imagine, peut-être? Ouais, puis beaucoup plus de médicaments en fait. Puis c'est un 2 ans en fait à l'Université de Montréal. C'est le seul programme au Québec là qui offre. Même en fait, c'est la seule université en Amérique du Nord qui offre ce programme-là. Puis c'est un 2 ans. En fait, c'est en médecine grosso modo là que les étudiants étudient. Puis il faut déjà qu'ils aient fait un 2 ans sur le terrain avant de pouvoir accéder à ce programme-là. Et puis après ça, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de techniques pour, par exemple, désobstruer un patient qui est étouffé, ou encore une fois, le faire des mesures plus intrusives, sur la personne. Ah, c'est intéressant ça. Parce que on s'entend que les médicaments, c'est quelque chose qui est comme très complexe, là. Les gens pensent que c'est des panacées, mais en fait, quand on donne des médicaments, souvent on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec un corps, j'imagine. Non, puis tu sais, c'est surtout, on s'entend, on reste dans un contexte d'urgence. Tu sais, on ne viendra pas changer la médication d'une personne qui a une autre pression, puis que sa pression a de la misère. C'est plus pour arrêter des convulsions, pour, mettons, rétablir un rythme cardiaque qui roule à 240, puis pour, en fait, le converser, puis pour qu'il redevienne un rythme plus normal. Fait que ça, fait que dans le fond, bref, au Québec, on a vraiment ces deux modules-là un peu qui marchent en parallèle. Mais c'est surtout à Montréal, comme là, c'est rendu en Estrie, qu'il y a beaucoup des soins avancés aussi. Mais c'est encore des projets pilotes. Là. Fait qu'on voit quand même que la profession ne cesse d'augmenter avec les années. C'est quelque chose qui est. Est-ce que Montréal est particulière en Amérique du Nord? Comme tu disais, c'est comme la seule université à offrir ce programme-là. Est-ce que ça se compare ailleurs, comme les grandes villes américaines, t'sais? Juste pour se Ben, ça. comparer. Ouais, ben tu sais, ça dépend, là. Je parlais, on va en parler un peu plus tard, mais j'ai fait un voyage humanitaire au Mexique, puis j'ai rencontré des médecins là-bas, puis notamment qui travaillaient à Philadelphie. Tu sais, à Philadelphie, il y a à peu près une douzaine d'homicides par jour, là. Fait que, tu sais, nous, mettons, il y en a eu 12 cette année, puis on capote, puis c'est correct de capoter, là, parce que c'est pas normal d'avoir autant d'homicides, mais c'est sûr que c'est ça. Aux États-Unis, il se passe des affaires quand même assez intenses, le côté Ouais. brutalité. Fait que les appels sont différents, mais tu sais, si on prend Urgence Santé, qui couvre tout Montréal et tout Laval, la compagnie pour laquelle je travaille, c'est 2,5 millions d'habitants. On fait à peu près 1 000 appels par jour comme paramédic. Puis comparé, mettons, à en région, c'est sûr que si tu vas à la TUC, ma ville natale, eux, il y avait des 7-14 jusqu'à tout récemment, puis là, ils sont devenus à des chiffres à l'heure parce qu'il n'y avait pas assez, justement, d'appels pour la population. Fait que c'est, tu sais, au Québec, on a un territoire assez disparate, puis Montréal est particulière parce qu'on a un gros volume d'appels, puis ça. Juste pour t'utiliser un terme que moi je suis vaguement familier avec parce que j'ai mes amis qui étaient infirmiers auxiliaires, mais tu as dit c'est un 7-14. Je pense que les gens à la Ouais. maison ne savent pas nécessairement ce que ça veut Non, dire. effectivement. Ben en fait, un 7-14, c'est que tu vas travailler 7 jours complets sur une période de 14 jours. Donc, en tout temps, 24 heures sur 24, les paramédics, surtout en région, vont avoir justement leur radio près d'eux. Ils vont aller faire l'épicerie, ils vont aller chercher les enfants en garderie, ils vont aller se coucher. Puis là, ben, à un moment donné, n'importe quand durant ta journée, durant ton 7 jours, tu peux te faire appeler n'importe quand. Puis il faut toujours que tu sois à 5 minutes de la caserne. Puis ça, honnêtement, peut-être que ça marchait il y a plusieurs années, mais mettons que c'est quelque chose qui fonctionne plus vraiment aujourd'hui. Le temps réponse est vraiment diminué. Puis si on parle encore une fois de toi qui fais un arrêt cardiaque, ben tu sais, tes chances, tu sais, si on arrive en 10 minutes, ça fonctionnera pas, là, tu sais, t'as plus aucune chance de survie. Fait que de plus en plus, en fait, là, il y a beaucoup de demandes pour éliminer les 7-14, pour instaurer des quarts à l'heure. Fait que les gens sont loin de payer à la caserne au lieu d'être un peu partout, puis d'être toujours sur appel, dans le fond. La différence d'être sur appel puis d'être à la caserne, ça peut faire comme une grosse différence dans comme le temps de réponse puis la survie d'un patient. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça fait vraiment un système à deux vitesses où est-ce que si tu habites en région, puis que tu as le profil d'une personne qui habite en ville, ben tu as beaucoup de moins chances de survivre en région. Puis déjà que les hôpitaux sont plus loin, ben tu sais, on veut donner quand même plus de chances aux personnes

On développe vraiment des amitiés spéciales puis intéressantes. Ou est-ce que justement faut utiliser l'humour noir pour passer au travers, là? Ça se peut que les gens comprennent pas trop notre humour, là, fait que peut-être qu'à la radio, on n'en parlera pas, on donnera pas d'exemple, mais Ben, tu disais que il y avait des gens un peu TDAH qui étaient comme ça supportait bien comme ce genre de comme personnalité-là. J'imagine que un type de personne qui est souvent attiré par la profession, fait que c'est plus facile de tisser des liens. Ouais, ben oui, c'est clair. Des fois, c'est peut-être dur d'avoir une conversation qui se tient parce qu'on manque des informations, parce que là, faut que tu chauffes, faut que tu sois attentif, puis là, tu essaies de parler, puis tu n'écoutes pas en même temps. Mais ouais, totalement. Puis en fait, c'est qu'on est des gens souvent assez impulsifs, vraiment rapides côté exécution. Fait que tu sais, quand vient une scène, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce métier-là. C'est sûr que c'est bien d'aider Gisèle, 90 ans, qui est tombée, là, mais tu sais, souvent, ce qu'on souhaitait faire, c'était beaucoup, tu sais, les accidents de la route, des gros appels, en fait, qui brassaient. Fait que ça, c'est certain qu'avec ce profil type de personne-là, on est pas mal efficace, là, sur le terrain. Puis c'est le fun à côtoyer aussi, là. Y a-t-il un certain aspect de, c'est quoi le terme, c'est accro à l'adrénaline? Oui, non, parce qu'honnêtement, mis à part la première fois que j'ai mis mes lumières et mes gyrophares pour un appel en urgence, et là j'ai eu un petit ouh, ok, je roule en urgence à Montréal, mais ça a été la seule fois. Je pense qu'on devient vraiment très, très tolérant. C'est vrai qu'on check nos niveaux de cortisol, ça dit la même chose, mais honnêtement, c'est que peut-être qu'on vient à banaliser ce qu'on vit. Je sais qu'avec les années, tu sais, je me rappelle que ma première année, je trouvais donc bien que j'avais des gros appels, puis que là, je trouve pas que mes appels sont si intenses que ça, tu sais. Mais je pense que c'est parce qu'on s'habitue beaucoup, puis qu'on normalise un peu ce qu'on voit, puis au fil du temps, ben c'est aussi qu'on sait quoi faire maintenant. Fait que quelqu'un qui va pas bien, mais tu sais, on a maintenant des actes médicaux qu'on peut lui apporter pour l'aider. Fait que on voit sa progression. Fait que on n'a pas cette décharge-là, mais c'est certain que, tu sais, peut-être une fois à chaque quelques mois, on va avoir une intervention où est-ce que ça va plus nous secouer que d'autres, là. Puis on n'est jamais à l'abri aussi du choc post-traumatique qui se développe un peu de manière différente chez les paramédics. C'est surtout un peu, on parle de fatigue de compassion, mais c'est au fil des années, on va avoir plusieurs appels marquants, puis un moment donné, il va avoir un appel qui va faire déborder le vase. Puis ça va pas être le plus gros appel sûrement de notre carrière, mais c'est quand même cet appel-là qui va être un peu de trop. Puis après ça, ben c'est sûr que si ta condition financière, familiale ou amoureuse va pas bien, ben là ça peut pencher un peu d'un côté ou de l'autre, là. Ça va que c'est exacerber les symptômes ou les problèmes du. Ouais, effectivement. Mais on a en même temps une bonne chose, c'est qu'on a de plus en plus de support. Argent Santé, on a un programme de pères aidants qui sont des paramédics qui vont justement soutenir les autres paramédics dans des situations, pas nécessairement des gros appels, mais tu sais, des moments soit dans notre vie que ça nous sent qu'on se sent pas bien ou que justement suite à un appel, on a besoin un peu de ventiler. Puis le fait que ça soit des pères qui savent un peu c'est quoi être paramédic, c'est différent que parler à un gestionnaire ou à quelqu'un, tu sais, qui fait pas notre job, là. Tu sais, même la psy, ça peut vraiment aider, mais c'est sûr que si ça vient d'un autre paramédic à côté de toi qui a été formé pour ça l'aide beaucoup, là. Il y a un organisme aussi qui aide les personnes qui ont été dans les métiers d'urgence, mais qui sont toujours, en fait, dans les métiers d'urgence. Ça s'appelle la Vigile. C'est un organisme à but non lucratif, puis justement qui regroupe les personnes, soit que ce soit des pompiers, des répondants médicaux d'urgence, des paramédics, des policiers, puis que justement, tu peux faire des thérapies, là, puis t'aider, soit si c'est un choc post-traumatique, mais aussi si t'as des problèmes avec la toxicomanie, le jeu, ou, mettons, la violence, ce genre de choses-là. Puis c'est sûr que si t'es avec des gens qui ont un vécu un peu pareil ou tiens, c'est sûr que ça peut pas nuire. Tu parlais tantôt qu'il n'y avait pas d'acte, pas d'acte, d'ordre professionnel. Ça doit comme influencer beaucoup sur les capacités à agir, puis la santé mentale des paramédics et juste comme la structure de comment l'emploi est fait, là. Ouais, je te dirais que c'est beaucoup le manque de reconnaissance qui frappe ces temps-ci, là. Juste hier, il s'est passé beaucoup de choses hier. Juste hier, justement, le gouvernement, ben, vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles, mais il y a beaucoup de primes qui ont été octroyées au personnel de la santé. Fait que, par exemple, t'sais, on a entendu, bon, les infirmières pourraient être payées jusqu'à 120 000 $ par année, des incitatifs encore pour le temps supplémentaire. Bon, tu sais, comme pour le temps plein, tu sais, comme essayer de forcer les gens à travailler à temps plein au lieu de temps partiel. Puis hier, on s'est fait dire que nous, on n'était pas prioritaire, les paramédics, le système préhospitalier, puis que pour nous, il n'y aurait pas ça, tu sais. Puis même chose au début de la pandémie, on s'est fait beaucoup dire que la COVID, ça commençait quand t'arrives au triage. Mais tu sais, je veux dire, tous les patients, là, j'avais des statistiques, je vais les regarder un peu, mais c'est quand l'année passée, il y a un an pile, en mars 2021, la presse avait fait un topo sur Urgence Santé, puis il y avait eu 25 800 transports de COVID suspectés. Fait que ça, c'est 70 appels par jour de gens qui avaient probablement la COVID qu'on a amené. Ça, c'est juste l'année passée, là. Fait que là, c'est sûr que ça a peut-être triplé ou quadruplé là, avec la vague qu'on a eue. Tu sais, je veux dire, les patients COVID, nous, on les a, tu sais, si un espace de, tu sais, très restreint dans l'ambulance, c'est pas une zone chaude, honnêtement, je sais pas c'est quoi, là. Fait qu'il y a beaucoup, il n'y a pas assez de reconnaissance, je trouve. Puis ça affecte vraiment beaucoup le moral des troupes. Puis un autre, en fait, parce qu'on est aussi en négociation, là, présentement, on est sans convention depuis 2020, donc ça fait quand même un petit moment. Puis on se fait toujours dire qu'il n'y a pas d'argent pour nous, mais qu'il y en a pour les autres. Fait que ça devient très difficile. Tu sais, on n'est jamais dans les remerciements, on n'est jamais des anges gardiens. Puis moi, je crois que c'est parce que le point de rupture n'a pas encore été atteint dans le système hospitalier. Il est dans le système hospitalier, mais bientôt, tu sais, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être le système préhospitalier, là. Tu sais, il y a 50% des paramédics présentement au Québec qui sont déjà en processus de réorientation d'emploi. Tu sais, c'est grave, le 50% des gens. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans 2, 3 ans, ça va être un peu la même chose, puis il va être un peu trop tard rendu là. Ouais, c'est ça. Quand tu parles de reconnaissance, c'est aussi que avec la COVID, ben les paramédics, ben, ils se mettent en danger avec en étant proche d'un patient. Tu parlais que une ambulance, c'est comme probablement clairement une zone chaude. Puis vous êtes exposé à ce virus-là. Puis c'est considéré comme pas grave par le gouvernement. Ben, tu sais, vraiment, le message qu'on a, c'est qu'on n'est pas prioritaire. Tu sais, le gouvernement marche beaucoup avec en réaction puis non en proaction. Fait que ça donne ce que ça donne, là. En fait, ça, c'est vraiment désolant parce que, tu sais, on est augmenté pour les risques, on a beaucoup, beaucoup d'exposition. Tu sais, il y a une pénurie aussi de main-d'œuvre dans les paramédics. Fait que nous aussi, on en fait du temps supplémentaire. Puis, c'est, tu sais, oui, ça nous met à risque aussi, comme pour le virus. La part des gens sont vaccinés, mais quand même, moi, par exemple, j'ai fait un accident de travail l'été dernier, puis j'ai été 3 mois en arrêt. Tu sais, 3 mois, c'est long, là. Puis moi, je me suis toujours dit, oui, je vais me laisser un jour, mais à 45 ans, là, j'en ai 29, là, c'est... tu sais, c'est... Puis ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup, beaucoup les paramédics. Quand tu regardes une carrière de paramédic, tu dis pas, moi, je fais ça jusqu'à 65 ans. Tu sais, si t'es bon, tu sais, jusqu'à 50, 55 ans, c'est bon, mais tu sais, qui prend sa retraite, honnêtement, à part Pierre-Yves McSween? Tu sais, honnêtement, tu sais, faut quand même se prévoir une deuxième carrière. Ça, c'est malheureux parce que la plupart des paramédics adorent leur travail, puis c'est vraiment une passion, puis ils souhaitent continuer ça pendant longtemps. Mais physiquement, honnêtement, tu sais, je me vois mal, tu sais, dans 30 ans, soulever des patients, le triple de mon poids. C'est sûr que ça fonctionnera pas. Le COVID, pas COVID, c'est sûr qu'il va toujours avoir des enjeux un peu derrière, là. Mais tu me disais l'autre jour que t'as travaillé avec des gens qui étaient comme assez âgés aussi, est-ce que... Ouais, ben c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent continuer à travailler parce que le fonds de pension, c'est ça, on n'est pas des policiers, on n'est pas des pompiers. Notre fonds de pension, là, présentement, pour nous, il va pas être si pire, mais pour les anciens paramédics, ceux qui ont commencé il y a 30 ans, c'est pas très reluisant, là. Puis ces gens-là, ben, ils ont comme pas le choix financièrement de continuer jusqu'à 65 ans l'ambulance. Fait que ça aussi, c'est un peu malheureux pour eux, là. On a de la difficulté à leur donner de la reconnaissance à ces gens-là, tu sais, qui ont donné, tu sais, parfois, il y en a qui ont donné 40 ans de service, là. Tu sais, tu vois pas ça, un pompier ou un policier faire 40 ans de service. Puis, comme la profession, c'est difficile de faire autre chose, tu sais, comme par exemple une infirmière, tu sais, tu peux quand même aller dans un CIUS, tu peux aller travailler chez Héma-Québec, tu sais, t'as comme plein d'options. Comme paramédic, à moins de devenir un gestionnaire, t'as pas vraiment d'autres options autres que retourner aux études. Fait que ça aussi, c'est un enjeu, là, où est-ce que, tu sais, les gens souvent se réorientent dans un tout autre domaine, mais pour les personnes qui sont un peu plus vieux, c'est plus difficile pour eux. Est-ce que les paramédics pourraient, admettons, un changement structurel ou de reconnaissance, est-ce qu'ils pourraient comme se réorienter dans le domaine plus facilement s'il y avait des choses de fait? Ben, possiblement, là, une des solutions qui est avancée par beaucoup de paramédics, c'est la paramédecine communautaire. Ça répond à deux besoins. Premièrement, ça élargit un peu plus le cadre de notre profession. Fait que, tu sais, au lieu de faire des gros appels urgents où est-ce que tu vas forcer, ben, tu peux juste aller chez la personne qui a un problème avec sa sonde urinaire, avoir un suivi avec le CLSC. Tu sais, mais là, encore une fois, présentement, nous, on n'a pas le droit de faire ça. Puis, d'un autre côté, c'est sûr que ça l'aiderait aussi pour désengorger les urgences. T'sais, parce que présentement, puis ça nous arrive souvent, là, des problèmes de sonde urinaire, moi, je n'ai même pas le droit d'y toucher. Là. T'sais, je peux la regarder de loin. C'est comme quasiment juste ça que j'ai le droit de faire. Puis, t'sais, cette personne-là, on va l'amener à l'urgence, elle va être mise dans une salle, puis dans 4-5 heures, elle va être vue peut-être par un médecin qui va la, t'sais, comme qui va dire à l'infirmière, ah ben, replace-la. Puis cette personne-là va devoir attendre un autre transport ambulancier pour retourner chez elle. Fait que ça, on voit à quel point ça aurait pu être géré autrement. Fait que ça, l'appareil de médecine communautaire, c'est quelque chose qui se fait ailleurs aussi dans d'autres pays, qui est très développé. Puis présentement, on attend là, que ça débouche, mais encore une fois, sans ordre, c'est très difficile. Puis on sent vraiment qu'on n'est pas la priorité envers le gouvernement. Fait que ça, si le gouvernement le s'assisait puis disait, bon, là, la priorité, ça va être le système hospitalier, il y a plein de solutions qu'on peut faire, ça serait différent, mais j'ai pas l'impression que ça s'enligne vers ça. T'as pas l'impression que vous existez pour eux autres. Je sais pas, je pense qu'on est comme un problème qui est pas assez urgent. C'est vraiment ça. C'est dommage parce que moi, je pense qu'on fait partie de la solution, tu sais. Il faut utiliser les ressources d'une meilleure manière. Puis il faut arrêter de juste prendre des patients puis les amener à l'urgence alors qu'ils recevront pas de bons soins là-bas. Tu sais, on parle de délestage, mais tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste remplir les urgences puis éventuellement, ils se font dire, ben, retournez chez vous. Puis vu que la population, mettons, nous, notre clientèle, c'est beaucoup des personnes âgées, ils peuvent pas faire ça, fait qu'ils les mettent dans des lits. Tu sais, une personne avec une démence, peut pas l'asseoir dans la salle d'attente, là. Fait que là, ça prend un lit dans l'urgence où est-ce qu'une infirmière doit, tu sais, comme doit surveiller cette personne-là, alors qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui aurait peut-être pu profiter de ce lit-là puis qui avait vraiment un besoin, tu sais. Ouais, ça me fait penser un peu à quand il parlait avec les problèmes de police aux États-Unis. Il y avait comme tout l'aspect de comme defund the police. Ouais. Les gens comme ah, tu sais, s'il n'y a pas de police, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, c'était de donner en fait des ressources à d'autres organismes pour aider les gens avec des problèmes de santé mentale. T'sais, pas appeler un gars avec un gun pour aider Ouais. quelqu'un qui est en crise. Puis un peu là, ce que tu me dis, c'est que justement, t'sais, les paramédics pourraient faire partie d'une solution où il y a multiples facettes, pas juste, admettons, amener les gens à l'urgence ou centraliser les soins dans les hôpitaux. Non, exactement. Puis c'est sûr que si on avait plus de formation, parce que, tu sais, honnêtement, on parle encore de la sonde urinaire. Présentement, je ne saurais même pas comment l'arranger, la sonde urinaire. J'ai pas été formée pour ça. Mais c'est aussi que faut se rendre compte que le système préhospitalier, il est devenu autre chose. T'sais, on a une population vieillissante. Tu sais, les chutes, justement, pour des hanches cassées, tu sais, on en a presque à chaque jour. Des problématiques pour des infections chez les personnes âgées aussi. Fait sûr que si on était plus habilité à aider ces personnes-là, si on était mieux formé, c'est sûr que ça aiderait beaucoup plus. Puis tu sais, le système est devenu ça. Tu sais, oui, on fait des gros accidents parfois, mais c'est beaucoup moins ça. C'est beaucoup moins dans l'urgence, en fait, le métier de paramédic maintenant. Parfois, ça l'est, mais c'est beaucoup plus des appels non urgents. Tu parlais tantôt des actes que tu peux ou tu peux pas faire. Moi, j'ai toujours un peu de la misère à comprendre ça. Je trouve ça un peu étrange. C'est weird, man. Ce que j'ai compris, c'est que les médecins sont payés à l'acte, puis les autres, ils ont le droit de faire certains actes. Puis moi, je comprends pas. Ouais, ben je comprends pas non plus. Je sais pas pourquoi. Puis honnêtement, ça serait un autre débat. Mais t'sais, nous, je sais qu'on l'a déjà vu. Puis heureusement, t'sais, on parlait en pré-entrevue justement par rapport aux accouchements, à quel point que j'avais déjà eu une expérience similaire. Ou est-ce que dans le fond, on appelle ça le SP1, c'est le formulaire, la déclaration de naissance. Puis ça, les informations là-dessus, c'est l'accoucheur, la personne qui a accouché. Fait que, pas ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé en début de carrière, c'est que j'ai accouché une personne, on a écrit nos noms, on l'a donné à l'hôpital qu'on a transporté la mère qu'on avait accouchée. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue, puis le papier était dans la poubelle. Parce que le papier, dans le fond, c'est sûr que c'est la médecin qui signait, bien, c'est elle qui empochait l'argent. Fait que, puis là, heureusement, hier, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que ça veut dire que les choses changent? J'espère un petit peu. Parce que ça n'a pas de bon sens non plus. Tu sais, je pense qu'enlever un collet cervical, ça donne 150 $ dans la poche du médecin qui le fait. Tu sais, ça aussi, c'est un peu, c'est un peu inconcevable. Alors que, tu sais, moi, mettons, je gagne à peine 45 000 par année, puis que, tu sais, je l'ai tout transporté, le patient, là, puis je comprends, tu sais, comme, c'est pas du tout la job d'un médecin que je fais, mais mettons, les soins avancés, tu sais, ils ont quand même fait 2 ans en médecine, tu sais, c'est quand même, puis il y a peu de reconnaissance monétaire envers leur travail. Si on regardait ailleurs, au Canada ou même ailleurs aux États-Unis, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus payés qu'ici au Québec, là. Ouais, c'est ça, c'est. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est pourquoi pas juste un salaire à la place de comme payer à l'acte, puis. Ça fait en sorte que t'sais, les médecins, ils font des gestes qu'ils ont peut-être pas besoin de faire ou qui servent un peu à rien des fois, puis. On jase, Possiblement. là, hein? Ouais, c'est ça. Possiblement. Mais je pense que ça s'applique pas juste aux médecins, mais c'est certain que tous les travailleurs de la santé présentement, d'après moi, ils auraient besoin d'un rehaussement de salaire. T'sais, on parle beaucoup des infirmières parce qu'ils ont un ordre qui font beaucoup de lobby pour eux. Mais tu sais, quand on parlait des primes, je pense que c'était les techniciens en radiologie ou même les préposés aux bénéficiaires, ils en ont presque pas des primes, ces gens-là. Puis tu sais, ils travaillent au même titre que l'inhalothérapeute, que l'infirmière. Fait qu'il y a vraiment des inégalités au sein même du système de santé qui fait que ça devient de moins en moins attrayant de travailler pour eux, tu sais. Ça aussi, il faut penser à ça. Puis, tu sais, même paramédic, tu sais, on n'est pas vraiment payé. Nous, c'est une de nos demandes, qu'on accote au moins le salaire des autres métiers de l'urgence. On n'a aucune prime d'exposition, aucune prime de risque. Les primes COVID, il a fallu se battre au début pour avoir le 8 %. T'sais, on mange jamais à l'heure. Ça aussi, là, c'est un enjeu qu'on n'a pas abordé, mais la conciliation famille-travail, si on finit jamais à l'heure, on se fait toujours, mettons, envoyer, t'sais, des appels en fin de quart. Mais si, par exemple, moi, je finis à 4 heures le soir, que je me fais envoyer un appel, c'est un autre 2 heures. La garderie est fermée. Mais comment que je fais pour envisager d'avoir une famille? Ou, t'sais, faut le temps que je compte sur le conjoint, la conjointe, mais là, un moment donné, t'sais, c'est quand même beaucoup de charges sur cette personne-là. Fait que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, puis au salaire qu'on est payé, puis au risque qu'on court, des blessures physiques puis mentales, ça devient moins attrayant, tu sais. À cette heure, au centre-ville de Montréal, ils engagent au McDo à 20 $ de l'heure, tu sais. Moi, je payais 25. On s'entend que, puis tu sais, j'ai étudié pour être là-dedans, là, c'est ça l'affaire, là. Fait que, ah non, il y a beaucoup de problématiques, puis si on s'y attarderait, je pense qu'il y aurait moyen d'y remédier. Ben sûrement. Je veux dire, Écoutez-nous, Monsieur Legault, là. On a des bonnes idées en plus. écoutez les paramédics, c'est important. Puis, tu sais, nos demandes, je pense qu'ils sont quand même légitimes. T'sais, on parlait du salaire, mais justement, d'être payé le même salaire un peu qu'un infirmière, qu'une allothérapeute, qu'un pompier ou qu'un policier. T'sais, on est vraiment en deçà de ce salaire-là. Puis pour le fonds de retraite, bon, tous les avantages aussi. Fait que, tu sais, ce qu'on demande, c'est la campagne. Nous, on est affiliés avec la CSN, puis notre campagne, c'est un appel au respect. Tu sais, c'est de respecter un peu le métier qu'on fait, puis nous donner de la reconnaissance. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y a des choix de société qui doivent être faits, qui sont juste pas faits, puis je dis ça de même, là, je dis ça dans les airs, mais avoir des chefs d'entreprise comme au gouvernement, ça donne peut-être pas nécessairement les meilleurs résultats au monde, t'sais. Ouais, possiblement. Question de culture monétaire chez ce type de personnes-là, là, t'sais. Moi, je dis des affaires, hein, on jase, là, hein. Faudrait que tu te présentes, je pense. Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, c'est ça. Comme on abolit l'argent, tout le monde. Non, c'est ça. Clairement. Donc, tu me disais que tu avais fait de l'aide humanitaire aussi, que tu étais parti tout récemment aider des gens au Mexique, je crois? Oui, C'est une grande passion chez moi, là, la coopération internationale puis les missions humanitaires. J'ai eu la chance de partir avec une ONG qui s'appelle Global Response Management, une ONG américaine qui travaille bon dans plusieurs pays, mais présentement leurs principaux projets c'est au Mexique où est-ce qu'il y a des camps de réfugiés de migrants en fait en fait amassés à la frontière. Puis j'ai pu aller effectuer des soins là-bas avec l'ONG pendant 16 jours au mois de décembre mai dernier. C'est vraiment intéressant parce que quand tu parles d'aller faire de l'aide humanitaire, tu l'as mentionné, tes camps de réfugiés, on s'imagine pas que c'est quelque chose qui est si proche que ça de nous. Non, pas du tout. Puis même quand ils m'ont informé des projets, j'étais parce que tu sais, quand j'ai contacté l'ONG, tu sais, je voyais qu'elle avait fait des projets en Syrie, en Irak, au Yémen. Fait que je suis comme, oh my God, ok, je vais aller probablement au Moyen-Orient. Puis ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, il y a des situations humanitaires qui se déroulent à côté de chez toi. Puis j'étais comme, ah oui. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis tu sais, les États-Unis puis le Mexique, c'est tellement près de chez nous, là, beaucoup plus que de ce qui se passe en fait en Europe ou dans d'autres pays. Puis c'est un peu pour ça là, que ça m'a poussé à aller aider, c'est que c'est un sujet qui est près de nous puis qu'on n'est pas au courant. Fait que c'était aussi un peu pour sensibiliser les autres, les personnes près de moi à cet enjeu-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est dû à la situation politique actuelle. C'est quelque chose qui a commencé sous Trump, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, Trump a instauré le Migrant Protection Protocol, le MPP, qui, grosso modo, là, vise à limiter la présence des réfugiés sur le territoire américain durant la période qu'ils sont en attente de leur approbation. Fait qu'avant, quelqu'un qui faisait une demande de réfugié passait à la frontière. Suivait le processus légal, pouvait ensuite loger chez sa famille ou chez des amis. Puis le processus dure à peu près 2 ans. Puis ensuite, dans beaucoup de cas, il était déporté, mais tout de même, il avait réussi à vivre à peu près 2 ans aux États-Unis, alors que maintenant, la personne est bloquée à la frontière. Puis ça, je ne sais pas si les gens ils sont pas au courant, là, mais ça, il y a beaucoup de. Les conditions sont assez. Mettons, sont assez tristes là, pour ces personnes-là parce qu'ils se ramassent littéralement. C'est un peu comme qu'on a vu là, ce qui se passe en Grèce. Là. Donc, des séries de tentes, des gens qui dorment par terre, beaucoup de familles, en fait, beaucoup de jeunes femmes, quelques quand même des hommes, pas beaucoup de personnes âgées parce que quand même, il a fallu que ces gens-là marchent du Honduras, par exemple, pour se rendre au Mexique. T'sais, c'est très loin quand même. Fait que c'est des conditions peu favorables pour certains types de personnes un peu plus vulnérables. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu peux nous informer un peu sur c'est quel genre de personne qui est dans ces camps de réfugiés-là, parce que, comme tu l'as mentionné, c'était Honduras, des gens qui ont marché. Trump, il disait souvent là, que, ah, t'sais, les migrants, genre, ils arrivent, puis ça va être une grosse crise, puis Ouais. c'est mauvais, les démocrates, whatever, genre. Ouais, ben on voit en fait ceux qui étaient dans le camp de réfugiés où est-ce que j'étais, c'était à Reynosa, c'est juste en face du Texas, près de la ville de McAllen. Nous, dans le fond, on logeait à McAllen, puis on allait à chaque jour, on traversait la frontière pour aller aider à Reynosa. Puis il y avait beaucoup des personnes du Honduras, du Guatemala, du Salvador et des Haïtiens. Fait que c'était vraiment beaucoup ces 4 pays-là. Qui étaient réfugiés. De ce que je comprends, c'est qu'il y avait certaines personnes, soit par exemple des gens qui venaient du Venezuela ou bien de Cuba, qui passaient quelques jours dans le camp de réfugiés, mais qui étaient rapidement acceptés. L'autre côté, c'est sûr que le Salvador, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Haïtiens sont refusés autant. Honnêtement, je ne sais pas trop, mais c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de ces personnes-là là, qui étaient dans les camps. Puis c'était beaucoup, comme que je disais, beaucoup d'enfants, en fait. Nous, dans la clinique, là, je pense que ça correspondait à peu près au tiers de nos patients. Puis même que les gens, tu sais, le processus est tellement long pour l'attendre d'avoir ce statut de réfugié que souvent, la personne, mettons, partait d'Haïti ou partait du Honduras. Mettons, pour la personne haïtienne, a débarqué au Chili, là, transiter un peu par là, quelques mois plus tard, à s'en venir dans un autre pays pour se rapprocher du Mexique. Mais entre-temps, cette personne-là tombe enceinte, là, elle avait un enfant, parfois deux, puis là, ça ralentit encore plus son processus. Fait que là, finalement, son enfant est chilien, puis là, tu sais, l'autre est mexicain, puis là, sont en attente dans le camp de réfugiés. Fait que ça fait des cellules familiales assez particulières, disons, qui résident tous dans des conditions assez difficiles, dans des tentes près de la frontière. Et c'est à peu près combien de personnes, en partie, ben, spécifiquement dans le camp, où est-ce que tu as été? Mais dans la ville, on avait trois ou quatre endroits qu'on allait visiter à chaque jour. Dans le fond, c'est une clinique mobile. Fait que nous, on apportait des caisses de médicaments, des tables, des chaises, puis on installait vraiment la clinique. À chaque matin, on avait un endroit différent. À la Plaza, qui est directement en face de la frontière, il y a environ 2 500 personnes. Un peu plus loin, il devait en avoir peut-être 1 200 ou 1 300. Puis, il y en avait aussi des personnes un peu plus vulnérables qu'une ONG avait placées dans des hôtels. Pas des hôtels, mais tu sais, des mini-appartements. Puis, il devait avoir peut-être une cinquantaine de personnes. Mais tu sais, c'est dans un petit village. Le Renonça, c'est pas gros. C'est vraiment, tu sais, il s'installait dans le fond dans un parc. Puis au fil des semaines et des mois, il y a plus de gens qui arrivaient, fait que les gens se ramassaient le plus possible ensemble. C'est comme s'il y avait soudainement plein de monde sur le Mont-Royal, tu sais, à Montréal. Ouais, ou un peu comme qu'on a vu ce qui s'est passé avec les personnes sans abri sur la rue Notre-Dame, ça pouvait ressembler un peu à ça, sauf qu'il y avait moins d'équipement. Disons, tu sais, qu'il y avait juste des tentes, pas de chaises, puis pas de réchaud, là. Ça ressemblait un peu à ça. Comment ça se passait pour toi? En fait, comment ça s'est passé quand tu es arrivé là-bas, le processus d'intégration ou juste comme l'arrivée à ces camps-là? Ça a frappé assez, là. Disons que la détresse humaine était assez présente. J'avais déjà fait des projets plus de coopération internationale dans le passé au Kenya et en Inde. Fait que c'était pas mettons, mon premier contact avec la détresse humaine ou tu sais, des bidonvilles ou ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que tu sais, ça frappe toujours, là. Tu sais, c'est des gens qui sont beaucoup malades, tu sais, avec la COVID. Moi, j'étais certaine d'attraper la COVID là-bas, là. Puis, tu sais, même en arrivant là-bas, c'est une clinique avec des ressources limitées. Fait que moi, j'avais amené mes masques N95 pour me protéger, mais tu sais, je pensais au moins qu'il allait avoir des gants, qu'il allait avoir, tu sais, certaines choses. Puis moi, j'étais surtout attitrée pour le triage. Fait que j'accueillais toutes les personnes qui venaient à la clinique. Puis on avait parfois jusqu'à 150 personnes là, qui venaient nous visiter à la clinique. Fait que c'est quand même beaucoup de gens. Fait que là, j'arrivais là, pas de gants, avec mon masque qui fait 40 degrés. Là, je suis comme, oh my God, OK, là, je suis pognée ici pendant 8 heures. Je trouvais ça assez intense. Mais rapidement, là, honnêtement, on s'adapte tellement bien, là. Tu sais, OK, j'ai pas de gants, mais c'est correct. Tu sais, il y a du Purel. Fait que, tu sais, je vais mettre du Purel entre chaque patient, puis, tu sais, ça va être ça. Finalement, la COVID, je l'ai pas attrapée. Fait que je suis bien contente. Triplement vaccinée aussi, ça l'aide. Puis le sentiment aussi, en fait, d'aider les gens là-bas, ça surpasse tout. Puis les enfants, tu sais, j'en parlais un peu tantôt, mais tu sais, des enfants, ça reste des enfants. Fait que ça a rajouté un peu une couche de normalité, tu sais, pendant que la maman vient se faire évaluer parce qu'elle est enceinte. Ben là, il y a son enfant qui arrête pas de courir entre les chaises, puis qui se construit des jouets avec, tu sais, ce qu'il trouve à terre, tu sais. Fait que ça, on dirait que ça nous ramène plus à l'instant présent. Puis tu sais, au final, ces enfants-là, ben tu sais, malgré tout, ils trouvent le moyen d'être heureux, tu sais. Fait que ça a apporté un brin de positivité, mettons, au travail qu'on faisait là-bas. Ouais, les enfants, c'est étonnamment résilient. Ah ouais, ça a pas de bon sens. Là, je sais pas si c'est parce que leurs critères étaient pas les mêmes. Je sais pas, tu sais, si tu mets un enfant québécois là demain, je sais pas, tu sais, il va-tu pogner un peu plus. C'est son point aussi, je sais pas, mais tu sais, pendant qu'on était là-bas, c'était près de Noël, puis tu sais, il avait pris un vieux sapin à moitié dégarni, puis il l'avait décoré avec, tu sais, du papier de toilette, plein de trucs, fait que tu sais, c'était quand même, tu sais, on sentait l'esprit des fêtes, puis il y a beaucoup d'ONG aussi qui travaillent avec les migrants, fait qu'il y avait plein d'ONG aussi mettons, qui essaient de donner de l'éducation. Nous, c'était beaucoup les soins de santé. Il y en a qui s'occupaient pour les documents légaux, mettons, en donnant des avocats gratuits. Fait qu'on voyait aussi qu'il y avait une belle solidarité directement à la Renosa. Je voulais juste parler un peu des conditions de travail, parce que tu étais là en décembre, puis là, nous autres, en décembre, tu sais, Noël, le froid, tu sais, les tempêtes de neige, mais tu viens de mentionner comme à 40 degrés Ouais. Ben, en plus, c'est l'hiver là-bas, hein, fait que je me comptais chanceuse. Apparemment qu'au mois de juin, à la Renosa, là, ça doit être terrible. Moi, ce que je me souviens, c'est beaucoup, en fait, c'est que comme fallait, on était à l'extérieur, donc on avait quand même un vent qui venait un peu nous rafraîchir. Mais c'était surtout l'humidité, tu sais. Puis là, t'as ton, je sais pas pour les gens, je sais pas si t'as déjà porté un masque N95, mais c'est très intense, là, tu sais, tu sues là-dedans, puis ça. Puis tu sais, tu veux pas non plus t'infecter parce que si tu tombes malade, tu peux pas. Puis même si c'est pas la COVID, tu sais, je veux quand même pas pogner d'autres c'est la tuberculose, bon, d'autres maladies là, qui pourraient me rendre malade, puis qui pourraient m'empêcher d'aider ces gens-là. Fait que tu fais attention de ne pas toucher ton visage. Je me rappelle que durant la journée, notre agent de projet avec l'ONG nous amenait souvent des liqueurs, puis je me sentais, tu sais, dans une pub de Coke où est-ce que le Coke est tellement désaltérant, là. J'étais comme, oh wow, tu sais, ça devrait faire une belle pub, puis là, je me regardais, puis là, j'étais, tu sais, tout sale, puis j'étais comme, ouais, non, finalement, ça ferait pas une bonne pub, mais quand même, Ça fait l'effet non, est là. ça fait une meilleure pub parce que la Ouais, personne vient de travailler fort puis comme elle est toute c'est ça. sale, puis elle vient d'aider des gens, puis c'est comme le coke, c'est comme la cerise sur le sundae. Ouais, vraiment, là. Mais c'est ça, outre la chaleur, il y avait aussi le fait qu'on ne pouvait pas traverser de nourriture parce qu'on traversait les lignes à chaque jour. Puis la sécurité, c'est un enjeu très important là, avec l'ONG. Fait qu'on ne pouvait jamais quitter, mettons, l'espace qui nous était dédié parce qu'il y a quand même les cartels, tu sais, qui sont à côté. Puis tu sais, en fait, juste pour te donner un cas de figure, là, tu sais, nous, on avait, vu qu'on était en face de la frontière, nous, on avait la clinique. Puis à peu près 5-6 mètres de nous, on a souvent vu des cartels arriver avec leurs caméras, prendre des vidéos des gens qui étaient déportés, viser ceux qui n'avaient pas payé les cartels pour ensuite les kidnapper. T'sais, on ne voyait pas le kidnappage en tant que tel, mais on savait que ça allait se produire aujourd'hui, demain. T'sais. Puis après ça, on avait des histoires de gens qui s'étaient fait justement kidnapper par les cartels, qui s'étaient fait torturer pour avoir de l'argent. Fait que, t'sais, on était aussi dans une espèce de faux sentiment de sécurité. Tu sais, on s'entend en sécurité, mais on savait tout ce qui se passait en arrière, tu sais. Puis les migrants, présentement, c'est de la marchandise. Fait que si tu... Mettons, nous, c'était pas très dangereux parce que les personnes qu'on faisait passer, c'était surtout pour des conditions médicales. Fait que quelqu'un qui avait un cancer, par exemple. Fait que ça, les cartels, je pense qu'ils laissaient ça aller. Mais tu sais, par exemple, si moi, j'étais une avocate, puis que j'essayais de faire... que je travaillais pro bono pour les faire traverser, ben, tu sais, ça aurait été dangereux pour moi de travailler là-bas puis d'être à Rimouski. Fait que c'était quand même particulier l'ambiance dans laquelle on travaillait. Tu parles d'un faux sentiment de sécurité, mais il y avait comme un stress latent à cause de ça, j'imagine. Pas tellement, c'est juste que ça ressemblait comme un peu n'importe quelle ville mexicaine à première vue. Mais là, c'est ça, c'est qu'après ça, quand tu regardais un peu plus loin, ben là, tu voyais les cartels, tu voyais les gens qui étaient déportés, tu pouvais les viser facilement parce qu'ils avaient enlevé les lacets des gens. Après ça, tu voyais quelqu'un un peu plus loin se promener avec un fusil, mais qui était clairement pas la police. Fait que là, c'est là que tu disais, ah ouais, finalement, tu sais, je suis pas à Punta Cana, là. C'est pas... c'est ça. Puis c'est peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, fait qu'il y a des endroits plus sketch dans lesquels je suis allée. Tu sais, j'ai fait la Turquie sur le pouce avec un ami. Tu sais, à certains moments en Turquie, pour moi, c'était moins sécuritaire d'être là que d'être à Reynosa. Mais encore là, je pense que l'ONG prenait très au sérieux la sécurité. Puis en fait, c'est une très bonne chose qu'elle prenne autant au sérieux parce que s'il arrive un seul événement, même s'il est petit, ben on pourrait pas continuer à travailler pour eux, là. Mais quel genre de... Est-ce qu'il y avait une équipe de sécurité autour de vous pour vous aider? Est-ce qu'il y avait la police ou des militaires ou des... Ben oui, en fait, c'est ça, c'est que les endroits pour faire la clinique étaient visés, ben en fait, étaient installés principalement par ça. Puis quand on se déplaçait dans la ville, c'était toujours dans des endroits où est-ce qu'il y avait une surveillance militaire ou policière accrue. Puis il y avait certains endroits où est-ce qu'on avait certaines rues qu'on n'avait même pas le droit de passer juste par sécurité. C'est déjà arrivé aussi que on fasse mettons qu'on ait un avertissement. Comme quoi, bon, il y avait des gens armés qui se situaient dans comme deux rues plus loin, fait que le directeur de projet décidait juste d'arrêter complètement la clinique pour aujourd'hui. Fait qu'on paquetait tout, on quittait, même si on venait d'arriver, c'est déjà arrivé qu'on doit cesser nos activités par mesure de protection. Wow. Fait que c'est ça le sentiment de fausse sécurité, c'est toi, tu fais ta journée, tu penses que tout est correct, puis quelqu'un t'arrive avec une information, t'es comme, oh, OK, c'est quand même. Ouais, c'est ça, comme juste autour de toi, tu fais ton travail, puis tu es à comme 10 mètres de distance, tout est normal, entre guillemets, mais deux rues plus loin, il y a les points les plus... je sais pas le mot en Les français, mais plus tu sais, c'est comme... chauds, là, ou les... Ouais. J'allais dire CD, là, tu sais. Ouais. Mais puis, tu sais, on avait aussi des protocoles, là, où est-ce qu'ils nous montraient, tu sais, faire un soft close ou un hard out. Fait que c'était deux manières, un soft close, dans le fond, c'est que tu disais aux gens, bon, ben, je suis désolée, vous reviendrez demain à la clinique, tu pactais les choses, puis tu t'en allais tranquillement. Alors qu'un hard out, tu laissais tout ça là, tu me disais, comme, au pire, prends juste le défibrillateur parce que ça vaut 5 000 $, puis comme, tu cours jusqu'à la frontière, là. Fait que, tu sais, on avait quand même des. On n'a jamais fait de pratique, mais tu sais, ils nous avaient montré à chaque début de semaine, quand il y avait des nouveaux, il y avait quand même 1 heure d'orientation sur juste la sécurité. Fait que c'est sûr que ça rend ça plus réel un peu quand on se fait expliquer aussi sérieusement par des gens. Ou tu sais, la simple chose où est-ce qu'on toutes les cellulaires est interdit, où est-ce qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos puis les publier sur les médias sociaux parce qu'il était déjà arrivé un événement il y a plusieurs mois où est-ce qu'un bénévole avait pris une photo, l'avait publié sur les réseaux sociaux, une personne avait reconnu une personne qui était recherchée, est allée faire un raid dans la maison et a fini par tuer 3 personnes, tu sais. Fait que, ou tu sais, puis il y en a une qui s'est faite kidnapper. Fait que c'est, tu sais, puis tout ça pour une photo publiée sur les réseaux sociaux. Fait que quand on entend ces histoires-là, c'est sûr que ça, on fait plus attention, là. Ouais, c'est ça. Puis pour nous, une photo sur un réseau social, c'est anodin comme geste, là. Ça, Ouais, totalement. Puis en même temps, tu sais, l'ONG veut aussi faire la promotion de ses actions, tu sais, comme c'est sûr qu'à la clinique, mais il faut faire attention parce que si tu prends une photo, tu sais, de la personne, comme de toute la lignée de gens qui attendent, ben ça se peut que là-dedans, il y en ait une qui ait fui son pays parce qu'elle est poursuivie par tel cartel, puis le cartel, tu sais, le reconnaît, fait que c'est vraiment touché quand même, là, comme situation. Tu sais, ces gens-là, ils ont fui quelque chose, ils sont pas venus aux États-Unis parce que, tu sais, ça leur tentait nécessairement, là. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête, là, c'est qu'ils fuient une situation très dangereuse pour eux, puis ils préféraient se mettre dans cette situation-là qui est déjà très dangereuse parce qu'elle était mieux que l'autre d'avant, tu sais. ouais, la géopolitique de la chose est quand même assez intéressante parce que tu sais, on le mentionnait au début, ah, c'est des réfugiés, ils quittent quelque chose, mais l'analyse de la situation, je pense qu'elle mériterait d'être faite ici, Ouais, par quelqu'un puis. d'autre que moi, là. Ouais. Ouais, non, vraiment. Puis, de ce que je comprends, c'est que même au Canada, faut avoir des preuves pour corroborer nos histoires, comme quoi les personnes sont en danger. Puis là, tu sais, je fais un petit parallèle, mettons, à quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle. Tu sais, dans le système judiciaire, présentement, c'est très difficile de prouver ça parce que tu as rarement des preuves tangibles. C'était quelque chose qui s'est passé entre 2 personnes, tu sais, qu'il n'y a pas eu de témoin. Mais c'est la même chose, un réfugié qui arrive ici, qui raconte des histoires d'horreur, puis comme, bon, ben, t'as-tu une preuve que ton cousin s'est fait assassiner par les cartels? Puis il est comme, ben non, tu sais, c'est dans l'illégalité, tu sais, j'ai pas de preuve nécessairement. Fait que, puis là, ben, son dossier va être évalué, puis bien souvent, il va être rejeté. Puis ça aussi au Canada, là, puis en tout cas, un des trucs que je trouvais complètement aberrant, c'est que quand on logeait aux États-Unis, si on regardait la télé le matin, puis il y avait un topo sur la pénurie de main-d'œuvre, sur le fait que des emplois étaient pas remplis parce que les Américains trouvaient que ces emplois-là étaient pas assez payés, assez chers. Puis là, ben, de l'autre côté, t'as comme des milliers de migrants qui attendent l'autre bord de la frontière, puis qui voudraient juste ça travailler, là. Eux autres, t'as une job au McDo, là, pour commencer, là, pour les starter, ben, ils seraient bien contents d'avoir ça, là. Mais fait qu'il y a comme une incohérence, puis il y a du racisme beaucoup aussi, là, tu sais, je trouve Texas, là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup la peur de l'autre. Puis c'est la même chose au Canada, là. On n'arrête pas de se plaindre qu'on n'a pas assez de travailleurs, notamment dans le travailleur, des travailleurs de la santé ou autres. Tu sais, les personnes réfugiées, ils souhaitent juste ça, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, juste faire une parenthèse, parce que les gens ils disent, ah, tu sais, ces gens-là, ils pourraient venir ici, puis comme les prendre, ces jobs-là de merde qui sont mal payés. C'est comme, soit, C'est sauf que sûr que ouais. ça fait quand même une sous-classe de citoyens, Ah tu ouais, sais. totalement, totalement. C'est sûr que c'est pas. Non, c'est sûr. Quoique, tu sais, travailler au McDo à 20 $ de l'heure, c'est quasiment aussi pas cher à payer que moi. Mais non, Ben, je suis tellement d'accord avec toi que, tu sais, c'est ça. Tu sais, faut augmenter aussi le niveau salarial puis les conditions de travail. Là, faut pas que. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup ça. Puis je pense qu'au Canada aussi, d'ailleurs, même au Québec, on en a entendu des histoires d'horreur, là, de personnes, en fait, de travailleurs étrangers qu'on sous-payait, là. Et ça, c'est pas une bonne chose non plus. ouais, tout récemment, des installations qui n'étaient pas comme COVID safe, puis des gens que les employeurs ou les organismes ou les compagnies qui fournissaient les travailleurs qui empochaient comme une partie de l'argent. Quelque chose de même, je suis pas exactement sûr, mais tu sais, c'est juste une exploitation d'une marchandise humaine. Oh, ouais, non, totalement. Je pense qu'il y a comme une ligne à faire, comme directe, entre ces gens-là puis les réfugiés, en fait, qui sont comme à la frontière. Mais bon, faudrait que je te demande à quelqu'un qui vient de me parler de la géopolitique de la chose, parce que c'est quelque chose. Ça devient tellement un enjeu, c'est que tu sais, il y a la pandémie là, qui remplit nos vies depuis 3 ans quasiment, mais tu sais, en arrière de ça, il y a tellement des enjeux humanitaires qui se déroulent à côté de chez nous, puis que tu sais, ça va nous popper d'en face éventuellement, là. Mais Tu c'est sais, ça. puis même ce qui... Non, vas-y, vas-y, c'est que. Ah, excuse-moi, puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe en Grèce, mettons, ben tu sais, ça se passe depuis plusieurs années, puis ça continue à se produire aussi. Fait que tu sais, les mouvements de population, selon moi, c'est le grand enjeu humanitaire qui va se produire, ben en fait, qui se produit déjà depuis plusieurs années, là. Ouais, il y a des gros enjeux structurels dans comme la société puis la globalisation qui vont devoir être réglés ou sinon ça va probablement éclater là, ou, je dis ça de Non. même là. Ouais, clairement. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est notre devoir un peu de prêter attention à ces enjeux-là. C'est un peu pourquoi j'ai décidé de partir là-bas, puis que je souhaite aussi retourner aider dès que financièrement c'est possible, parce que tout ça, c'est du bénévolat, puis le billet d'avion, il faut que je le paye et ma nourriture là-bas aussi. Là. Fait que ça, c'est toujours un enjeu. Mais en tout cas, si aussi on pourrait faire des programmes pour accueillir ces gens-là, les soutenir, les former, je sais qu'on le fait un peu, mais je crois qu'on pourrait le faire encore plus. Là, tu sais, le gouvernement Trudeau, il vient de fermer ou il va fermer le chemin Roxfam bientôt. Tu sais, c'est encore une fois pelleter le problème dans le cours de l'autre, là. Ouais, mais t'sais, le gouvernement Trudeau, il était comme, ouais, tous les réfugiés sont bienvenus, t'sais, c'est juste une phrase de marketing, en fait, parce que c'est pas particulièrement vrai, puis on déporte régulièrement des gens. Puis en plus, Effectivement. t'sais, on parle, t'sais, du bon immigrant, du bon réfugié, puis t'sais, des gens intégrés, genre, qui ont des travails, t'sais, ils répondent pas à certains critères obscurs ou abstraits, puis sont renvoyés dans quelconque pays qui viennent. Il y a des incohérences aussi. Mais c'est un problème quand même assez complexe. C'est juste. T'sais, fermer le chemin Roxham, c'est-tu quelque chose de bon ou de mauvais? C'est un fait politique. L'immigration, les gens ils disent que l'immigration c'est bon ou l'immigration c'est mauvais. C'est comme c'est un fait géopolitique qu'il y en a toujours eu. Faut juste comme s'assurer que la plupart des gens, je dis la plupart des gens, comme faudrait que juste toutes les gens sont juste comme bien traités de manière humaine. Ouais, puis je pense qu'on a une responsabilité, là. Tu sais, qui ici qui écoute CSM, qui a jamais commandé sur Amazon, qui s'est jamais payé un voyage en avion quelque part dans le sud, tu sais. Les mouvements de population, c'est à cause de ça aussi. Tu sais, c'est les changements climatiques. Nous, la seule différence, c'est qu'on a eu la chance de naître au Québec, là. C'est la seule différence. Et puis, on a tellement de privilèges. Puis, je sais pas. Moi, dans ma tête, il faut aider. Là. Puis, c'est pas besoin d'aller genre à 5 000 km de chez vous. Là. Tu sais, il y a quand même des organismes communautaires aussi qui ont des grands besoins. Là. Fait que, si les gens pourraient aider un peu plus, faire du bénévolat, aider son prochain, c'est sûr que ça l'aiderait mieux. Puis, justement, accueillir les gens. Puis aider les gens qui ont moins de privilèges que nous, ça serait la moindre des choses. Ouais, où est-ce qu'on va à partir de ça? Je voudrais comme continuer la conversation sur l'aide humanitaire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on s'approche d'une finale comme. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu ça, tu sais, le mot de la fin, c'est essayer d'aider son prochain comme vous le pouvez. Tu sais, ça peut être avec, tu sais, dans des petits actes au quotidien, là, puis, tu sais, je sais pas, là, tu sais, juste en donnant un 2 piastres à l'itinérant, tu sais, faites-le, là, tu sais, t'en as-tu vraiment besoin de ton 2 piastres? Ou va y acheter une pomme, puis donne-y, je sais pas, là, tu sais, ou va donner un peu de ton temps, puis essayer d'être plus empathique envers les gens, d'être moins centré sur soi-même, d'être moins... Ouais, je pense que c'est peut-être vers là que ça l'irait puis que ça l'aiderait beaucoup plus les gens, là. Je pense que ouais, je pense que tu as raison. Je pense que la compassion, en fait, c'est quelque chose qui est comme qu'on a besoin d'avoir un peu plus de dans nos vies. Ouais. Totalement. Essayer de le faire, tu sais, le film de nous suivants, là, moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Puis après ça, c'est une réaction en chaîne que si moi, je fais du bien autour de moi, ben les gens vont se faire du bien, tu sais. Essayer de rester positif malgré cette situation-là. Puis tu sais, on parle beaucoup de la déconnexion des gens, là, envers la pandémie, puis à quel point ça a été difficile de reconnecter puis d'avoir des relations. Mais tu sais, quand on se promène dans la rue, tu sais, oui, même si on porte un masque, on peut quand même aider les autres. Avoir un petit sourire avec les yeux, même si on voit pas celui de la face. Ouais, t'as raison. Je voulais dire quelque chose, là. Je voulais dire quelque chose de deep, man. Mais, ouais, t'as raison. J'ai toujours de la Mais misère tout. avec mes conclusions, honnêtement. Ah, ben c'est bien correct. Mais tout. Non, mais honnêtement, je suis super contente d'avoir eu la discussion aujourd'hui parce que ça m'a appris aussi à te connaître un petit peu plus. Puis d'ailleurs, bravo pour ton émission parce que c'est un peu ça ton but, là, c'est d'aller dans des sujets un peu plus profonds sur peut-être des personnes à qui tu parlerais pas normalement, nécessairement. Fait que juste avec ton émission, je pense que tu contribues un peu à élargir les pensées de plein de gens aussi. Ben merci, parce que c'est ça que j'espère faire. Puis que ça se répande ou non dans la société, je suis juste content d'être capable de le faire, point à la ligne. T'sais. Fait que, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir, puis en espérant se reparler bientôt.